Non, mais j'ai vraiment pas le sens du rythme, c'est ça le problème. Et tout lassé, on se tient les dents.